La déclaration par Horace von Hoffel. Hier soir, penché sur la balustrade du jardin, j'ai regardé les arbres qui entourent votre maison. Jamais le paysage ne m'avait paru aussi léger. Malgré le crépuscule, le ciel était livide, trop clair pour une grande lune rousse qui l'éclairait à faux, comme une lampe allumée avant l'heure. Ce jeu de la nature donnait au panorama un aspect singulier. Un aspect déroutant de peinture japonaise tracée sur un paravent de soie. Et la Seine, majestueuse et lente, se glissait, pareille à une gigantesque couleuvre d'argent entre les collines. De cette vision ne pouvaient naître que des idées un peu incohérentes, et un conte, dans la manière des poètes de l'Extrême-Orient, qui ne se soucient ni de commencer ni de finir. Il ne faut pas trop rire de cet air Louis XIII que j'emprunte aux vieilles images. On se donne l'air qu'on peut. Vous-même, avec vos cheveux courts et blonds, vos sourcils arqués, vos épaules de déesse et votre démarche assurée, vous eussiez pu figurer dans le cortège d'Anne d'Autriche. Et le beau Buckingham aurait peut-être soupiré pour vous. On affirme que ce seigneur fastueux vint à un bal vêtu d'un manteau brodé de perles, mal attaché volontairement. Ainsi une fortune, la rançon d'un roi, ruisselait de ses épaules sur le tapis. Si c'était pour éblouir sa reine, le geste est joli. Mais il me semble que je ferais mieux, car enfin, offrir une belle histoire à celle qu'on préfère me paraît plus précieux, plus rare et moins facile. Et, y ayant réfléchi, je pense que le récit des dernières amours du chevalier Van Dyck vous plaira le mieux. Il contient un symbole. Au temps où il vivait à la cour de Charles Ier, Van Dyck menait grand train. Les courtisans se pressaient à sa porte. Les plus nobles voulaient posséder leur effigie faite par le peintre du roi. Van Dyck tenait table ouverte pour ses amis, ses compagnons de plaisir et ses modèles. Il avait des laquais et des chevaux. Ceux qui venaient poser chez lui y trouvaient des rafraîchissements et des musiciens. Les commandes arrivaient trop nombreuses. Pour y faire face, Van Dyck donnait un jour et une heure aux personnes qu'il devait peindre. Et il ne travaillait jamais plus d'une heure à chaque portrait. Quand le temps était écoulé, Antoine se levait et annonçait que la séance était terminée. Alors son valet de chambre nettoyait ses pinceaux et lui préparait une autre palette. Van Dyck faisait achever les détails des habits et des draperies par d'habiles gens. Pour les belles mains, il avait à ses gages des personnes, heureusement douées, de l'un ou l'autre sexe. Il préférait créer une humanité idéalisée plutôt que de l'enlaidir d'une lourde et inutile exactitude. Un jour d'ennui, il peignit sa propre image. En se regardant dans la glace, il se souvint d'un autre portrait qu'il avait peint de lui-même à 18 ans. Combien il avait changé. Déjà son regard s'éteignait, des rides entouraient ses paupières. Vraiment, la vie passe trop vite. Où était cette gloire à laquelle il avait sacrifié ses amours de jeunesse? La possédait-il? Où était-elle? Il était seul, toujours seul. Peu après, il se lia avec Lady Venetia, l'épouse de Canelem Digby. Lady Venetia était musicienne. Elle chanta le soir qu'Antoine entra dans sa demeure pour la première fois avec Canelem. De son gosier, sa voix jaillissait comme une source de mélodie. Elle se tenait immobile, les yeux dilatés, craintifs, la tête un peu enfoncée entre les épaules. Elle ne se doutait pas de l'entrée des visiteurs. Et elle était toute blonde et blanche, fragile, délicate et précieuse. On eût dit un signe à l'agonie étonnée de la douceur déchirante de son propre chant. Elle accueillit Antoine avec bonne grâce. Elle fixait sur lui des yeux clairs et droits. Des yeux qui semblaient le connaître depuis longtemps. Ils causèrent familièrement. Au retour, Antoine ne pouvait croire qu'elle n'eût pas, comme lui, été frappée de cette rencontre. Il peignit plusieurs portraits d'elle. Une fois, il la représenta sous les attributs de la prudence. Antoine ne lui parlait qu'avec un respect mesuré. Souvent, de longs silences les enveloppaient. On n'entendait que le bruit du pinceau caressant la toile tendue. Leurs regards se croisaient. Celui du peintre, pénétrant, attentif, enflammé par le génie. Celui du modèle, toujours calme et comme sans arrière-pensée. Antoine désirait qu'elle sût au moins combien il la vénérait. Alors il lui parla d'une façon indirecte. N'avez-vous jamais, demanda-t-il, n'avez-vous jamais, en marchant dans une foule obscure, vu apparaître soudain un visage ami dans l'ombre, un de ces visages que l'on reconnaît, dans lesquels on se regarde comme dans un miroir? Toute notre âme est tendue. On voudrait arrêter l'être auquel ce visage appartient. Homme, enfant ou femme, et lui crier « Arrête-toi. Apprends-moi qui tu es. Quelles sont tes joies et tes peines? Mêle un instant ta vie à ma vie, et je ne serai plus perdu dans ce monde vaste et sans pitié. » Voilà ce qu'il faudrait crier, mais on ne l'ose pas. La parole humaine a été trop souvent profanée. L'on n'ose pas, et le doux visage s'évanouit, emporté vers l'inconnu, vers la mort, vers des bonheurs et des souffrances qu'on ne partagera pas. Il s'arrache de vos yeux, comme l'espoir s'arrache du cœur de celui qui a perdu son Dieu. Elle courba la tête. « Vous êtes un enfant, » murmura-t-elle. Un autre jour, Antoine s'écria en montrant un croquis qu'il avait pris d'elle, « Cette image ne me quittera plus. Au moins, vous ne m'empêcherez pas d'adorer votre image. » Elle resta muette. Van Dyck s'aperçut qu'elle tremblait. Il reprit d'une voix caressante, « Cela vous fâche-t-il ? » « Oh non, je suis très touché. » Elle se leva et sortit brusquement. Il ne songea pas à la suivre. Elle reviendrait demain. Le temps était radieux. Antoine alla flâner au bord de la Tamise pour montrer son bonheur au soleil. Il jeta du pain aux mouettes apprivoisées qui couraient sur le quai, que la vie était simple. Pour prendre de la joie, on n'avait qu'à tendre la main. Le jour suivant, il passa toute la matinée à sa toilette. Il était encore beau cavalier. Puis il attendit celle qui s'était promise. Mais l'heure passa et Lady Vénétia n'apparut point. D'abord, Antoine crut à un caprice de femme. Puis, affolé, il se dirigea vers la maison de Kenelem Digby. Il trouva cette maison bouleversée, pleine de gémissements et de cris. Lady Vénétia était morte subitement pendant la nuit. Van Dyck resta debout sous le coup de foudre. Il n'eut pas une larme. Il prit ses pinceaux et peignit Vénétia une dernière fois sur son lit funèbre. Pendant qu'il travaillait, la figure de la morte s'effaçait petit à petit. Alors, à côté d'elle, l'artiste traça l'image d'une rose fanée. Princesse, le portrait que je laisserai de vous sera bien vivant. Et si j'y place une fleur emblématique, ce sera un lys, pour marquer que vous habitez dans une vallée et que je vous aime d'un amour très romantique. C'était la déclaration par Horace von Hoffeld.